Bienvenue à notre émission Au-delà des différences, brisons le mur tabou de la tolérance. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, un mot simple mais porteur de tant de sens, la tolérance. Dans un monde où les différences sont parfois source de conflits, comment apprendre à écouter, à comprendre ? Que signifie la tolérance ? Au fil de cette émission, nous allons pouvoir explorer les différentes questions à travers des réflexions et échanges inspirants. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos esprits, car la tolérance commence peut-être ici et avec vous. Nous commencerons avec Axel et Sacha qui définiront la tolérance, suivi par Raphaël qui nous parlera du racisme. Aujourd'hui, je vous parlerai de la LGBT-phobie, puis Owen nous expliquera les dangers des écrans et des réseaux sociaux. Pour finalement terminer avec Marion qui nous fera une chronique culture sur la saga Hunger Games. Dans un monde où les différences sont nombreuses, savoir faire preuve de tolérance est plus que jamais une valeur fondamentale. Pour nous aider à mieux comprendre ce que cela signifie vraiment et pourquoi c'est si important, je laisse maintenant la parole à Axel et Sacha qui ont réfléchi à comment définir la tolérance. Merci Elsa. Tout d'abord, qu'est-ce que la tolérance ? La tolérance est un concept philosophique et éthique qui désigne l'acceptation et le respect des opinions, même s'ils sont différents d'une autre. Le mot tolérance vient du latin tolerantia qui signifie capacité de supporter. Dans ce contexte, il est important de mentionner un homme. Il est souvent associé à la notion de tolérance, écrivain et philosophe du siècle des Lumières, Voltaire. Dans son célèbre traité sur la tolérance, publié en 1764, il éprouve en faveur de la liberté de penser et de l'acceptation des différences religieuses. Pour lui, chaque individu doit être libre de croire en ce qu'il lui souhaite tant que cela ne nuit pas à autrui. Une de ses citations les plus connues dit « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes. Nous avons assez de religions pour haïr et persécuter, et nous n'en avons pas assez pour aimer et pour secourir. » Voltaire utilise également le satire pour critiquer les abus de pouvoir, les intolérances des institutions religieuses et politiques. Il cite « ces personnages sans esprit, sans imagination, sans grâce. » Mais alors, faut-il tolérer au nom de la tolérance ? C'est là que le philosophe Karl Popper entre en scène, avec ce qu'il appelle le paradoxe de la tolérance. Un paradoxe, c'est une idée qui semble se contredire, mais qui fait réfléchir. Par exemple, ici, pour protéger la tolérance, il faut parfois pas tolérer certaines choses. C'est étonnant, mais logique. D'après Popper, une société tolérante ne peut pas, et ne doit pas, tolérer l'intolérance. Pourquoi ? Parce que si on tolère l'intolérance, alors les intolérants peuvent prendre le pouvoir, et détruire justement cette tolérance éprouvée pour leurs idées. J'ai comme exemple, très concret, l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne dans les années 30. Ils ont profité de la démocratie, de la liberté d'expression et des droits tolérants de la République pour ensuite les supprimer. Une fois au pouvoir, ils ont interdit les autres partis, persécuté les opposants et imposé une idéologie fondée sur la haine. Ce paradoxe peut sembler choquant. Défendre la tolérance implique parfois de ne pas être tolérant envers ceux qui rejettent le dialogue, la diversité ou bien qui prône la haine. Popper l'expliquait clairement. Si on laisse une place à ceux qui refusent les droits des autres, ce sont les plus extrêmes qui finissent par écraser les voies justes. Résultat, plus de tolérance, plus de liberté. C'est un peu comme un vaccin. Pour protéger la tolérance, il faut l'immuniser contre ceux qui la détruisent. En résumé, tolérer l'intolérance n'est pas faire preuve d'ouverture d'esprit, mais c'est prendre le risque de perdre la liberté pour tous. La tolérance est essentielle pour le vivre ensemble, d'une société diverse. Mais elle ne signifie pas accepter sans limite. Comme l'expliquent Voltaire et Popper, elle doit s'accompagner de discernement. Tolérer ne veut pas dire approuver, et parfois, il faut savoir dire non à ce qui menace la paix, la liberté ou la dignité humaine. Être tolérant, c'est défendre un cadre juste, ouvert, mais fermé face à la haine. En somme, la tolérance est un équilibre exigeant et profondément humain. Merci à vous deux pour avoir si bien approfondi ce sujet. Maintenant, passons au racisme avec Raphaël et Wail. Un sujet qui, de nos jours, est bien trop banalisé, dès la cour de récréation. Pour y faire face, Raphaël et Wail nous ont préparé une chronique très instructive, alors veillez à écouter attentivement Raphaël, c'est à toi. Merci Elsa. Aujourd'hui avec Wail, nous allons vous présenter une forme de discrimination qui est malheureusement très présente en France et dans le monde. Le racisme est une forme de discrimination envers un groupe humain selon son origine. Par exemple, le racisme de la couleur de peau, envers les personnes de couleur noire, envers les personnes d'une religion, etc. Il existe énormément de discriminations, mais j'ai voulu parler de celle-ci, car en tant que sportif, j'ai déjà été victime de racisme en pratiquant mon sport. Il existe énormément de problèmes de racisme en France, car la France est déjà un pays où la population est diverse. En 2023, il y a eu plus de 8800 victimes de crimes et délits à caractère raciste, et ce chiffre est en augmentation de 32% par rapport à l'année précédente. La quasi-totalité de ces délits sont des injures. Les secteurs où il y a le plus de racisme sont les domaines du travail et du logement. Aujourd'hui, le pays qui est le plus touché par le racisme sont les États-Unis. Car malgré la fin de la ségrégation en 1968, c'est un pays aux multiples communautés et le racisme y est intense. Si vous êtes victime ou témoin de discrimination raciale, le 116-006 est là pour vous soutenir et vous aider. Merci de nous avoir écoutés. C'était notre dernière émission avec Wail, car nous passons au lycée l'année prochaine. Merci Raphaël et Wail pour ce point on ne peut plus important et intéressant. Je vais maintenant vous présenter un sujet qui me tient à cœur et ce pourquoi cette émission est née, la LGBT-phobie. Ces dernières années, la parole des personnes LGBTI+ se libère. La peur d'être soi recule dans une société qui ouvre petit à petit les mêmes droits à toutes et tous et offre davantage de modèles auxquels s'identifier quand on est un jeune LGBT+. On ose tout simplement s'affirmer. Cependant, les violences, les humiliations et les nombreuses situations inacceptables et discriminantes restent trop fréquentes et malheureusement tabous. Car oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, en 2025, la LGBT-phobie en général est de 18%. Les actes de gayphobie, eux, montent jusqu'à 55%. Dans certains pays, être LGBT+ est encore passible de la peine de mort. Mais qu'est-ce que la LGBT-phobie ? C'est simple. Elle désigne toutes les manifestations de mépris, de rejet ou de haine envers des personnes LGBTI+. Mais c'est quoi LGBTI+ ? C'est un acronyme de lesbienne, gay, bisexuelle, trans et intersexe. On rajoute le symbole plus pour englober toutes les identités sexuelles et de genre, notamment asexuelles, queer, pansexuelles, non-binaires. L'orientation amoureuse et sexuelle, c'est le fait d'avoir une attraction et ou sexuelle pour des personnes du même genre, du genre opposé ou de plusieurs genres. L'orientation n'est pas un choix. Être clair sur son orientation sexuelle et amoureuse peut demander du temps, l'affirmer, du courage. Et malheureusement, les stéréotypes et préjugés sont encore nombreux. La prise de conscience du « je me sens différent ». Au début, il y a justement la sensation de ne pas se sentir comme les autres, d'être différent. Puis, on ressent une forme d'attirance nouvelle. Pour certaines personnes, les choses seront assez évidentes et même simples. Pour d'autres, la découverte de leur orientation sexuelle peut prendre des années. Puis, se pose la question du coming out. Autrement dit, pouvoir s'affirmer tel que l'on est et le dire. Pour les personnes LGBTI+, faire son ou ses coming out, c'est arrêter de se cacher, de devoir mentir et parfois se mentir. L'acceptation et le soutien de l'entourage peuvent être décisifs dans l'épanouissement des personnes LGBTI+. En les acceptant telles qu'elles sont, leurs proches leur permettent d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Mais briser le silence et se confronter aux réactions de ses proches est souvent effrayant, et les réactions peuvent être brutales. Agir face aux actes LGBTI-phobes. En France, depuis les années 2000, les actes LGBTI-phobes sont punis par la loi. Malgré ça, ces actes sont présents dans le collège, malheureusement banalisés comme les insultes. Un exemple avec l'insulte PD, que les adolescents utilisent parfois sans en connaître le réel sens. Faites attention à vos propos. Refusez les blagues qui stigmatisent les autres. Si vous êtes témoin de LGBT-phobie, manifestez clairement votre opposition à l'agresseur. Ce simple geste peut le dissuader. Apportez votre aide à la victime si besoin et dénoncez cette situation. Si vous êtes victime, il est important de briser la loi du silence et de parler de ce qui vous arrive. Votre entourage peut vous aider, ainsi que des associations comme SOS Homophobie. La LGBT-phobie est une réalité inacceptable. Il est temps d'agir, chacun à notre niveau, pour construire une société plus juste et respectueuse de toutes et tous. Ne restons pas silencieux face à la haine. Poursuivons maintenant avec la chronique de ON sur les dangers des écrans, un sujet qui touche énormément de personnes dans notre société hyper connectée. Owen, je te passe le micro. Quels risques les écrans engendrent-ils ? Bonjour chers lecteurs, ici Owen, alias Dark Vador, l'un de vos journalistes préférés. Je vais vous parler des effets que produisent les écrans, téléphones, consoles, tablettes et etc. D'abord, les écrans peuvent freiner l'imagination, car tout est codé, donc déjà imaginé. Or, nous avons besoin de développer notre imagination. De plus, les yeux se fatiguent, donc nous sommes plus fatigués à cause de la lumière bleue. Les écrans nous excitent et nous sommes plus énervés après avoir joué aux jeux vidéo. Mais en plus, les réseaux sociaux engendrent beaucoup de violence, de harcèlement sur les élèves, notamment les plus influençables ou fragiles. On pense qu'on ne risque rien derrière nos écrans et on critique ou agresse car la personne n'est pas devant nous. L'intolérance augmente quand on ne contrôle pas notre exposition aux écrans. Nous vous rappelons que nous devons arrêter les écrans maximum 1h30 avant d'aller se coucher, pour faciliter un vrai sommeil réparateur. Sur ce, je vous dis au revoir et je repasse le micro à Elsa. Bien, nous pouvons dire que ce fut un sujet très intéressant. Merci Owen pour ton investissement. Terminons en légèreté, tout en restant dans le thème, avec la chronique de Marion sur les livres Hunger Games. Hunger Games, l'histoire vraie. Il y a 74 années, avant le début de l'histoire, une guerre violente vient de se terminer dans Panem, l'ancêtre des États-Unis, les 13 districts contre le Capitole. Résultat, le Capitole a gagné, le district 13 est bombardé et anéanti. Les autres sont sous la domination du Capitole. Pour faire peur au district et qu'il reste sous l'emprise du Capitole, il crée des jeux terrifiants, les Hunger Games. Le but est simple, tous les ans, un garçon et une fille par district sont tirés au sort et forcés à s'entretuer dans une arène de 10 000 km de diamètre à peu près. Katniss a à peine 10 ans quand son père décède dans un coup de grisou en travaillant à la mine. Sa famille reçoit une récompense, de l'argent pour vivre normalement en attendant que sa mère se trouve un travail. Mais la mère, piégée dans sa peine, n'en fait rien. Donc, à 11 ans et demi, elle décide de prendre sa famille en main. J'apprécie ce livre car c'est de l'aventure et de la survie, et parce qu'il est très sympa à lire. Dans ce livre, le Capitole n'a aucun respect pour les habitants des districts et les traite comme des jouets. Voilà où peut mener l'intolérance, même dans la fiction. Merci Marion. Avec ta chronique, tu nous as montré que l'intolérance est partout dénoncée, mais pas souvent entendue ou remarquée. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet important, la tolérance. On a expliqué que c'est un sujet essentiel, malheureusement encore trop tabou, et comment peut-on agir au quotidien. On a aussi parlé de problèmes graves, comme le racisme, la LGBTI-phobie, ou encore des dangers des écrans. Avec l'exemple du livre Hunger Games, on a vu que c'est ce qui peut arriver quand une société perd le respect et l'égalité. Alors souvenons-nous d'une chose. La tolérance n'est pas juste une idée, non. C'est un comportement. Ça commence par écouter, respecter et ne pas juger les autres. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une prochaine émission d'Alfred donne de la voix.